Chapitre 2. Dieu existe-t-il ? Vous souvenez-vous, quand vous étiez très jeune, comment, la veille de Noël, nous avions l'habitude de laisser un verre de lait et un biscuit sur la table du salon pour le Père Noël, sans oublier une carotte pour ses reines. J'étais toujours ravi de voir vos visages le matin, quand le lait avait disparu et que le biscuit avait été grignoté. Maintenant que vous avez grandi, vous savez bien sûr que tout cela n'était qu'une invention. La plupart des parents s'adonnent à ce genre de jeu ludique avec leurs enfants. Ils sont tout à fait inoffensifs et contribuent à développer l'imagination. Plus tard, les enfants apprennent à distinguer la réalité de la fantaisie divertissante. Mais nous apprécions tous encore de temps en temps de voyager dans le royaume du mythe et de la magie, n'est-ce pas ? C'est pourquoi les films Harry Potter sont si populaires dans le monde entier. Mais qu'en est-il de la croyance en Dieu ? Serait-il une relique de l'imagination enfantine dont, contrairement au Père Noël, certains d'entre nous ne se sont pas détachés ? Beaucoup de gens le pensent, bien sûr. Quand j'étais jeune, ces doutes athées me troublaient beaucoup, surtout lorsqu'ils étaient exprimés par d'éminents scientifiques. Dieu existe-t-il ? Cette question m'a longtemps hanté. Mais plus maintenant, aujourd'hui, je suis convaincu que les millions de personnes à travers le monde qui croient en Dieu ne sont pas victimes d'une monstrueuse illusion infantile, mais répondent simplement à une intuition humaine fondamentale. Pourquoi est-ce que je crois que Dieu existe ? La réponse est que, pour moi du moins, cela a du sens. Il existe de nombreuses preuves qui démontrent la vérité de son existence. Il suffit de regarder autour de soi, de regarder notre planète, de lever les yeux vers le ciel la nuit et d'observer les étoiles. De nombreux scientifiques sont fascinés par notre univers, et plus ils font des découvertes, plus ils sont intrigués. On pourrait s'attendre à ce que la recherche scientifique dévoile le mystère, mais c'est tout le contraire. Pour commencer, sur la base des découvertes révolutionnaires d'Albert Einstein, les scientifiques s'accordent désormais à dire que l'univers a commencé à un moment précis dans le passé, avec un Big Bang. Mais cela soulève bien sûr la question suivante. Qu'est-ce qui a causé ce premier commencement ? Y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui existait avant et en dehors du temps et de l'espace que nous habitons ? Les scientifiques n'ont pas de réponse à cette question. De plus, la manière dont le Big Bang s'est produit était délicatement équilibrée, comme s'il avait été spécialement conçu pour produire une planète propice à la vie comme la nôtre. Paul Davies, physicien et astrobiologiste, a écrit un livre intitulé « The Accidental Universe », l'univers accidentel. Il y décrit comment la structure de l'univers dépend de quatre forces fondamentales. La gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte. Selon le professeur Davies, ces quatre forces maintiennent le cosmos dans un équilibre parfait. Il affirme que si l'une de ces forces était légèrement plus forte ou plus faible qu'elle ne l'est, ne serait-ce que d'un seul point décimal, l'univers ne pourrait pas exister et nous, les humains, ne serions pas là. Cet équilibre extraordinaire peut-il être le fruit du hasard ? Vivons-nous vraiment dans un univers accidentel ? Ou tout cela a-t-il été planifié par un grand concepteur cosmique ? Et qu'en est-il de notre planète Terre ? Jusqu'à sa mort il y a quelques années, le Dr Wallace S. Broecker était professeur de géologie au département des sciences de la Terre et de l'environnement de l'Université Columbia. Il était célèbre pour ses recherches sur l'impact du changement climatique. Selon le Dr Broecker, si la Terre avait une masse inférieure ou supérieure de 10% à sa masse actuelle, aucune vie ne pourrait y exister. Il observe également que la Terre est la seule planète de notre système solaire dont l'axe de rotation est incliné à un angle de 23 degrés. Cela garantit que la quasi-totalité de sa surface bénéficie d'un ensoleillement suffisant pour permettre la vie. Saviez-vous que la Lune est également essentielle à la vie sur Terre ? Elle est responsable des marées océaniques qui nettoient le littoral et assurent un approvisionnement constant en plancton marin, sans lequel nous ne pourrions pas respirer l'oxygène de l'air. Ou que dire de ceci ? Il existe une fine couche d'ozone dans la haute atmosphère qui protège la vie sur Terre de l'exposition constante aux dangereux rayons ultraviolets du Soleil, tandis que sous nos pieds, une fine couche de roche solide nous protège de la chaleur intense du magma en fusion qui compose le noyau de notre planète. Sans tous ces accidents, nous ne serions pas là. Comment appeler cela ? Un coup de chance ou un chef-d'œuvre ? Et qu'en est-il de la vie elle-même ? Comment est-elle apparue ? Un athée doit croire qu'elle est née spontanément d'une sorte de soupe chimique primitive. mais les mécanismes chimiques étonnamment complexes dont nous savons aujourd'hui qu'ils sont nécessaires pour soutenir même la cellule auto-reproductrice la plus simple font que, pour moi, cela représente un acte de foi, bien plus grand que de croire que la vie a été conçue par Dieu. Le docteur James F. Coppedge, 1920 à 2004, était directeur du Center for Probabilities Within Biology en Californie. Il a écrit un livre célèbre intitulé « Évolution, Possible or Impossible ». Dans cet ouvrage, il applique les lois de la probabilité pour calculer la chance qu'une seule molécule de protéines soit produite par hasard à partir de composants inorganiques. Plusieurs centaines de ces protéines sont essentielles à la vie. Ses conclusions sont assez révolutionnaires. Il estime qu'il faudrait 10 à la puissance 262, 10 à la puissance 262 ans, pour qu'une molécule de protéines soit synthétisée par hasard à partir des matériaux simples qui pourraient exister dans une soupe chimique primitive. Quant à la vie elle-même, il faudrait 10 à la puissance 119 841, 10 à la puissance 119 841 ans, pour que même la cellule auto-reproductrice la plus simple apparaisse par accident. Si vous essayez d'écrire ce nombre, le morceau de papier nécessaire serait de la taille de notre galaxie. Un scientifique célèbre a tenté d'expliquer ce résultat à l'aide d'une analogie simple. Il a déclaré que croire que la vie est le fruit du hasard revient à dire qu'un ouragan traversant un dépotoir pourrait accidentellement assembler un avion Boeing 747. À la suite de ce type de calcul statistique, de nombreux mathématiciens ont déclaré publiquement qu'ils ne croyaient pas qu'il soit possible de considérer la vie comme un événement fortuit. Il doit y avoir une autre explication. Je ne pourrais être plus d'accord. Je ne suis pas scientifique, mais comme eux, je ne peux pas croire que notre univers extraordinaire et notre planète propice à la vie soient le résultat d'une heureuse coïncidence. L'explication la plus évidente pour moi est celle qui est acceptée depuis des siècles par la plupart des êtres humains. Notre monde est une création divine. Sir James Jeans était un grand astronome du XXe siècle, et il disait que plus il découvrait notre univers, plus il croyait qu'il avait été créé par un grand mathématicien. C'est logique, n'est-ce pas? L'existence de Dieu est logique. Elle est logique parce que l'alternative est tellement improbable, tellement insatisfaisante, tellement contraire à notre intuition la plus profonde. Non, je ne trouve pas l'athéisme convaincant du tout. Mais bien sûr, si vous répondez oui à la grande question « Dieu existe-t-il ?», vous devez également vous demander pourquoi tant de personnes intelligentes et hautement éduquées nient-elles son existence de nos jours? Pour répondre à cette question, je dois poser une autre grande question. Pouvons-nous connaître Dieu ?